quand tous mes sens sont arrivés à un point de non-retour, dans un orgasme bon marché, je te renvoie à tes amours. Ce n'est pas ma faute, chérie. J'éjacule du génie. Explosant les pachydermes dans un sourire onirique, mes chansons remplacent la sperme. Ce n'est pas ma faute, chérie. J'éjacule du génie. Ce n'est pas ma faute, chérie. J'éjacule du génie. J'éjacule du génie. J'éjacule du génie.